est assez fou pour l'écouter. 89 ans. Bon après-midi tout le monde, vous êtes au CIFOU 89.1 FM et c'est le temps de l'émission En piste avec Tania Beaudin. J'aimerais tout d'abord vous m'excuser ma voix, j'ai eu une grosse fin de semaine, animé le Grand Prix de Trois-Rivières toute la fin de semaine de vendredi à dimanche, alors ma voix est un petit peu, rauque aujourd'hui. Par contre, je suis ici pour vous livrer quand même toute une émission et sans plus tarder, en fait, j'aimerais vous dévoiler ce qu'il va y avoir dans l'émission. Alors, on va s'entretenir avec beaucoup de gens aujourd'hui. On se rappelle, la semaine dernière, j'ai animé une émission spéciale le premier week-end du Grand Prix de Trois-Rivières. Eh bien, cette année, le Grand Prix de Trois-Rivières est sur deux week-ends. Alors, comme il se doit, on fait une deuxième émission spéciale et on va parler de rallycross. On va aussi parler NASCAR, on va parler de drift. Alors, beaucoup d'invités au téléphone aujourd'hui. Entre autres, on va avoir Kevin Lacroix un petit peu plus tard dans l'émission, Louis-Philippe Dumoulin, Carl Nadeau, Danny Babu-Bernier. Alors, vraiment, on va avoir une belle émission. Mais comme à chaque émission, j'aimerais faire le retour sur les courses de la fin de semaine. Et là, j'imagine que vous me voyez venir. On va parler des courses qui se sont passées au Grand Prix de Trois-Rivières cette fin de semaine. Et j'aimerais tout d'abord commencer avec le classement du dimanche matin dans la série Nissan Micra. Alors, en troisième position, c'est Antoine Bessette qui est monté sur la troisième marche. En deuxième position, excusez-moi mon thaïlandais, c'est pas très, très au point, je vais faire de mon mieux. C'est Tanaroy Tanasinstitikate, communément appelé Mr. T dans la série. Et en première position, eh bien, c'est le jeune Olivier Bédard qui avait reçu un petit peu plus tôt cet été la bourse des Amis du Grand Prix. Alors, première position pour Olivier Bédard. Dans la catégorie Formule 1600, en troisième position, c'était Michel Bonnet. En deuxième position, le jeune Jean-Philippe Jaudoin. Et en première position, Michael Adams. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Michael Adams cette fin de semaine parce que, comme je vous le disais, je couvrais les puits. Alors, j'ai fait une entrevue avec Michael Adams et Michael a remporté les deux épreuves de la série Formule 1600. Il était très fébrile, il était très content d'avoir gagné. Ça le met dans une très belle place au championnat. Alors, vraiment, Michael Adams, félicitations pour ta première place au Grand Prix de Trois-Rivières. Et dans la série NASCAR Canadian Tire, évidemment, là, je dois le dire, toute une course, toute une finale de course. Je crois qu'on n'avait pas eu une course de NASCAR Canadian Tire aussi enlevante depuis des années. On a eu beaucoup de drapeaux jaunes. Par contre, ça nous a donné tout un spectacle. En troisième position, c'est Alexandre Tagliani qui est monté sur la troisième marche du podium. Alexandre qui avait quand même un gros week-end. On a coursé dans la série NASCAR Canadian Tire, mais aussi dans la série CTCC avec l'équipe Fast Wheels. Et il a très bien performé malgré quelques pépins de moteur, malgré qu'on a dû changer le moteur au grand complet vendredi soir pour ce qui était de l'équipe d'Alexandre Tagliani. Mais Alexandre Tagliani monte sur la troisième marche du podium dans la série NASCAR Canadian Tire. En deuxième position, c'est le pilote de Roxton Pound, Andrew Ranger, très bien aimé ici à Trois-Rivières, et le gagnant de la course de NASCAR Canadian Tire du Grand Prix de Trois-Rivières 2015. Kevin Lacroix a seulement 50 millièmes secondes devant Rangé. Un dernier tour qui a été très excitant pour tous les gens qui étaient sur place, tous les gens qui nous écoutaient directement sur CIFOU 89.1. Et un petit peu plus tard, comme je vous le disais, on va pouvoir s'entretenir avec Kevin Lacroix. Et sans plus tarder, eh bien, on va commencer l'émission en allant directement en musique, puisqu'on aimerait pouvoir discuter avec Kevin. Alors, je me dois de lui téléphoner. On va aller écouter la chanson « Racing for a Dream » du band Rock Romeo. Been a dreamer since you were a kid. You could hardly stand on your feet. Race to the park, through the hall, to the suite. Growing up to wheel on two wheels. Nobody said it was gonna be easy. Sometimes you fall and you wanna give up. But you're a winner. Never fear. All our hopes and dreams are with you. Where you are. Vous êtes de retour à l'émission En Piste avec Tania Baudin. Je vous disais tout juste avant la pause musicale du band Rock Romeo qu'on allait s'entretenir avec le gagnant de la course de NASCAR Canadian Tire, Kevin Lacroix. Eh bien, Kevin est au bout du fil avec nous. Bonjour Kevin, ça va bien? Ça va très bien, toi Tania? Oui, merci. Premièrement, Kevin, félicitations pour ta course. J'aimerais que tu m'expliques un petit peu comment s'est passé ton week-end de ton côté. Ben, ça s'est extrêmement bien passé avec donc quand même une bonne séance de pratique le samedi matin, puis la qualification déjà en deuxième position suite aux qualifications qui ont été vraiment serrées avec les top 5 dans les derniers tours. Donc on s'attendait à une bonne performance pour le dimanche, mais tu sais, il y a tellement beaucoup de bons pilotes dans le plateau que c'est une victoire, ben peut-être un peu inespéré, mais je veux dire, je suis très confiant, puis ça a été une très grosse journée, puis je suis vraiment, vraiment satisfait. L'équipe a fait un excellent travail, la voiture, comme à Mirabel, jamais rien à dire, la voiture est toujours parfaite, donc c'est une grosse victoire en équipe. Bien, justement, tu parles de ta voiture. Ça faisait quelques années que tu n'avais pas coursé au Grand Prix de Trois-Rivières. La dernière fois, c'était en Formule Atlantique. On le sait, le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières, c'est quand même un circuit qui est difficile sur les freins, qui est très technique. Est-ce qu'en en arrivant là-bas, tu avais une certaine, peut-être pas une inquiétude, mais un défi quant à ton pilotage et à la technique de ton véhicule? Bien, c'est ça, j'ai été averti à plusieurs reprises de la part des mécaniciens de faire attention aux freins. Donc, puis je l'avais vu aussi en fin de course à Mirabel, qui me restait pas beaucoup de freins. Donc, je portais une attention particulière à ça. Les pneus, ils ont super bien été. Il reste encore beaucoup de pneus. C'était vraiment les freins. Puis mon mécanicien qui était à l'achat présentement, il vient de m'envoyer une photo des disques de freins. Il y a plein de craques. Ils sont craqués tout le tour. Puis il n'y a plus de rainures dessus. Ils sont vraiment finis. Fait que on est allé au maximum. Même qu'après la ligne d'arrivée, j'ai eu un accident au bout de la ligne droite à cause que j'avais plus de freins. Donc, on a vraiment utilisé le maximum. J'ai été chanceux peut-être de finir comme ça, donc il va falloir que je porte une autre attention particulière l'année prochaine encore, mais je veux dire, la voiture Autoparty Plus était excellente. On a eu plusieurs neutralisations à suite de plusieurs accrochages durant la course. On le sait, Andrew Rangé n'était pas très loin derrière toi à certains moments. Est-ce que tu as eu chaud à plusieurs moments durant la course, Kevin? Bien, je savais qu'Andrew, c'est un pilote intelligent, donc il n'allait pas tenter n'importe quoi durant le milieu de la course. Donc, je me concentrais pour faire trop d'erreurs sans me mettre de pression, parce que c'était pas des moments ultimes comme ça. Donc, même si Andrew était prêt, mais je me gardais quand même la petite avance confortable là, de une ou deux voitures de longueur. Donc, j'étais pas vraiment stressé, honnêtement. J'ai juste essayé de gérer ma course un petit peu mieux que Mirabel sans trop pousser sur la mécanique. Donc, c'est ça que j'ai fait. Puis, lors d'une relance, j'ai peut-être donné un peu trop de chance à Andrew qui a réussi à me dépasser, mais j'ai attendu le bon moment pour le redépasser par la suite. Kevin, on en a déjà parlé dans l'émission, on avait déjà discuté en piste avec Tania Baudin. Maintenant, on le sait, tu ne fais pas la saison NASCAR Canadian Tire au grand complet. Dis-moi, quelle est la prochaine étape pour toi cette saison? La prochaine étape, c'est de faire le plus de courses en ovale pour apprendre cette particularité-là pour me préparer la saison prochaine. Donc, on a une course en la série Pass en fin de semaine prochaine à Montmagny. Ensuite, on essaie de préparer la voiture pour peut-être aller en Nouvelle-Écosse avec la série Canadian Tire, qui est vraiment pas certain. Mais faire le plus de courses possible, honnêtement, pour prendre l'expérience sur les circuits ovales, maintenant qu'on sait qu'on est performant sur les circuits routiers. Donc, c'est vraiment les préparations vraiment en vue de la saison prochaine pour faire une saison complète et viser la première place au championnat. Eh bien, Kevin, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Et encore une fois, félicitations pour ta belle victoire. Merci beaucoup à vous. Merci. Donc, comme le disait Kevin, on fait pas la saison au grand complet. Par contre, on désire commencer à appréhender les circuits ovales. Mais vous le savez, la semaine prochaine, cette fin de semaine, c'est le grand week-end du rallycross. La manche du championnat du monde revient ici à Trois-Rivières. Et après le bloc musical, eh bien, on s'entretient avec Louis-Philippe Dumoulin, qui coursait cette fin de semaine, mais qui va quand même sauter dans les airs ici à Trois-Rivières ce week-end. Tout de suite après la pause. Situé à même le musée Boréalis, le bistrot au Confluent est un endroit magique aux abords du Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice. Au sein d'un décor moderne, cette terrasse toujours animée vous offre une vue et une ambiance uniques. Les meilleurs produits de la région sélectionnés pour vous créer un menu divin aux couleurs d'ici. Pour plus d'informations sur l'horaire et le menu, borealis3r.ca ou le 819-372-4633. Rendez-vous des champions. Deux fins de semaine de course automobile envahissent la ville de Trois-Rivières. Le Grand Prix de Trois-Rivières vous en fait voir de toutes les couleurs avec deux week-ends endiablés. Pour suivre l'action, les analyses et les entrevues avec pilotes, c'est au 89.1 FM que ça se passe. C'est fou, le diffuseur officiel du Grand Prix de Trois-Rivières. Vous voulez pas manquer ça. Cet été, CIFOU 89.1 vous invite à écouter les matchs des Aigles sur ses ondes. Suivez en direct tous les matchs disputés au stade Fernand Bédard ainsi que les matchs extérieurs contre les Capitales de Québec. Pour plus d'informations sur les dates et les heures des matchs, rendez-vous sur CIFOU.ca ou sur lesaigletr.com. Les Aigles de Trois-Rivières, le happening de l'été. C'est fou. 89.1. Vous écoutez toujours En piste avec Tania Baudin. Tout juste avant le bloc musical, je vous disais que le pilote trifluvien Louis-Philippe Dumoulin avait participé au Grand Prix de Trois-Rivières cette fin de semaine, mais qu'il allait quand même sauter dans les airs ce week-end et on va en discuter avec lui. Il est au bout du fil. Louis-Philippe, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Oui, merci. Louis-Philippe, d'abord, félicitations pour ta quatrième position en NASCAR ce week-end. Le week-end NASCAR à Trois-Rivières, c'est toujours éprouvant pour les pilotes. C'est trois grosses journées devant la famille, devant les amis. Mais là, tu as décidé de remettre ça ce week-end. Tu vas participer à l'épreuve de la manche du championnat du monde de rallycross. Dis-moi, comment est-ce que c'est venu cette idée-là de vouloir sauter dans les airs? Hey, c'est vraiment génial. On a l'équipe du Grand Prix de Trois-Rivières qui a travaillé très fort pour nous procurer un volant en rallycross pour la fin de semaine prochaine. Puis je peux vous dire, tous mes commanditaires, WeatherTech, puis Jean Coutu du Grand Trois-Rivières qui ont travaillé vraiment pour nous ramasser, pour aller chercher, en fait, l'argent pour pouvoir faire le fin de semaine de rallycross. Et puis, on est vraiment excités par rapport à ça. On a réussi à faire une cinquième place en NASCAR Canada la fin de semaine dernière. Et puis, on veut travailler très fort pour justement faire un bon résultat pour le rallycross en fin de semaine. C'est pas un bolide qui est facile à piloter. On le sait, vous allez passer de l'asphalte à la terre. Vous allez, comme je le disais, sauter dans les airs. Est-ce que tu as pris le temps de faire quelques essais déjà ou bien ça va venir dans les prochains jours? Aucun essai jusqu'à date. On veut faire les essais à Saint-Eustache cette semaine, mercredi. Et puis, oui, on est très excités par rapport au changement du type de voiture. On s'entend, là, c'est pas la même chose que les NASCAR quand on va en rallycross. Mais on le sait, le Grand Prix de Trois-Rivières travaille très fort pour avoir beaucoup de monde. Puis on veut vraiment que les fans viennent nous voir en fin de semaine au rallycross de Trois-Rivières. Puis c'est un championnat du monde. C'est très gros. Tout le monde ici, on dit « OK, c'est du rallycross. » Puis on sait pas exactement qu'est-ce que c'est, mais il y a des pilotes, là, de renommée mondiale. C'est un événement là, vraiment très fort qu'il faut que tout le monde vienne nous voir parce que ça va être un événement qui va donner un très bon spectacle. Tu le disais, tu n'as pas encore fait quelques essais. C'est une nouvelle voiture, une voiture que tu n'as jamais pilotée. Ça va être différent. Est-ce que tu as des craintes par rapport à la conduite du véhicule présentement? Non, pas. Je peux vous dire qu'on va travailler, très fort pour vraiment piloter la voiture au maximum de sa capacité. Mais tu sais, il faut savoir que c'est un championnat mondial. Donc, encore là, c'est des pilotes qui sont vraiment très bons. Puis le rallycross, on sait, l'année dernière, on l'a vu avec Patrick Carpentier qui a vraiment très bien fait. Et puis, on veut vraiment là, être capable de faire ce podium puis faire la finale. Donc, on va faire tout ce qu'on peut pour amener la voiture où elle est également. Bien, justement, tu parles de Patrick Carpentier. Tu vas faire équipe avec lui cette fin de semaine. Tu le disais, il a fait une très belle performance l'année dernière. Vous êtes là pour avoir du plaisir, mais la victoire est une chose qui n'échappe pas quand même à des pilotes de course automobile. Est-ce qu'il y a une certaine rivalité qui s'installe présentement entre vous deux ou c'est encore simplement du plaisir et vous allez avoir du fun? Hey, pour vrai, Patrick, c'est le meilleur teammate que je pouvais pas avoir en ce moment. Patrick, il me donne des bons conseils. Il me dit bon, ok, pour les départs, faut partir en cinquième vitesse. non. En fait, on a beaucoup de plaisir ensemble jusqu'à date. Et puis on veut bien faire puis s'assurer que les deux voitures parisiennes en fin de semaine. Puis, comme je vous ai dit, la plupart du monde ne comprennent pas à quel point que le Grand Prix de Trois-Rivières, la deuxième fin de semaine, c'est un championnat mondial. Mondial veut dire que les pilotes qu'on va avoir là, c'est des champions de rallye de la FIA et des champions de DTM qui vont être là, des champions de drift comme Tanner Faust qui vont être là et qui vont vouloir vraiment bien faire. Donc, on a hâte de pouvoir se mesurer à partir de ces pilotes. Louis-Philippe, dis-moi, cette fin de semaine, si les amateurs de course automobile, si tes fans veulent te retrouver dans les paddocks, on cherche quelle van, quelle équipe est-ce qu'on doit spécifier pour aller te voir? La voiture WeatherTech numéro 147, c'est sûr que, écoute, Belmont, Jean Coutu et en fait le du Grand Trois-Rivières qui sont partenaires avec nous, puis on est vraiment chanceux de pouvoir participer à cette manche là, du championnat mondial de rallycross. Eh bien, Louis-Philippe, on te souhaite la meilleure des chances, mais surtout, on te souhaite d'avoir beaucoup de plaisir ce week-end. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci, bonne journée. Alors, comme le disait Louis-Philippe Dumoulin, c'est tout autre apprentissage de véhicule. Ça va être très intéressant de le voir performer sur un circuit complètement différent de sur lequel on le voit performer en temps habituel. Ça va, comme je vous le disais, ça va passer de l'asphalte à la terre. Si certains d'entre vous étaient là l'année dernière, vous avez pu voir le rallycross. On a fait quelques changements à la piste du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Il y a certaines barrières qui ont été réaménagées pour que vraiment tous les gens puissent mieux voir la piste de rallycross. On se rappelle, l'année dernière, on n'avait pas beaucoup de temps pour aménager, mais là, c'est sur deux semaines. Alors, l'équipe du Grand Prix de Trois-Rivières s'en est mis à cœur joie pour vous donner tout un spectacle. Et au retour du bloc musical, eh bien, on va s'entretenir, en fait, avec Carl Nadeau, qui va être l'animateur de la manche du championnat de rallycross, non seulement ici à Trois-Rivières, mais un petit peu partout dans le monde. Alors, on va aller lui téléphoner et pendant ce temps, eh bien, vous allez pouvoir écouter. Bien là, c'est un mélange quand même très différent, mais j'ai trouvé ça tout à l'heure et je trouvais ça très excellent. Alors, on va aller écouter du Avril Lavigne, mais accompagné de Marilyn Manson avec la chanson Bad Girl. Just lay your head in daddy's lap, you're a bad girl. Vous êtes toujours en onde au C'est fou 89.1 FM. J'aimerais prendre simplement quelques petites minutes pour saluer les gens qui, certaines équipes, sont de retour sur la route. Alors, on a quitté Trois-Rivières. Par contre, ils sont en onde présentement. Ils nous écoutent sur le chemin du retour. Alors, salutations aux équipes qui étaient ici ce week-end pour le Grand Prix de Trois-Rivières sur l'autoroute 40 présentement qui écoutent en piste avec Tania Beaudin. Et au bout du téléphone, j'ai avec moi un animateur hors pair, disons-le comme ça. J'ai eu la chance de travailler quelques fois avec M. Carl Nadeau. Salut Carl, ça va bien? Salut, ben je te retourne le compliment, ma chère. T'es l'avenir du sport automobile. Bien, merci beaucoup. Carl, l'an dernier, le mandat de tout ce qui était animation de la manche du championnat du monde de rallycross t'a été donné au Grand Prix de Trois-Rivières. Avant de parler de cette année, dis-moi, comment est-ce que ça s'est passé l'année passée? Ouf, la nouvelle s'est passée comme un choc parce que c'est une grosse responsabilité. Dans les faits, c'est Dominique Fugère, directeur général du Grand Prix, qui m'a appelé puis dit « Carl, j'ai un contrat pour toi. Il dit, tu vas animer avec l'équipe britannique de diffusion mondiale. Puis tu vas t'occuper du rallycross en anglais, bien sûr. Je suis un gars de Québec, donc mon accent anglais, il vient de Québec, puis assez clairement. Et juste avant que le contrat débute, Dominique Fugère me dit « Ah, en passant, Carl, vous êtes live dans 170 pays. » C'est merveilleux. Merci, Dominique, pour la pression. Oui, tout à fait. Justement, tu dis 170 pays. Mon Dieu, il doit y avoir un stress inimaginable qui s'installe à ce moment-là. Bien, heureusement, je suis le style d'animateur qui se surprépare avant un contrat. Bien sûr, il y a la barrière de la langue. L'anglais n'est pas ma langue maternelle. Je suis fonctionnel en anglais, il n'y a pas de problème, mais j'ai pas autant de vocabulaire. Donc, j'ai travaillé sur mon vocabulaire de sport automobile. J'ai surtout travaillé sur le sport du rallycross parce que c'est une religion en Europe. Ça doit faire 30-40 ans que ça roule là-bas. Les pilotes de rallycross en Europe sont considérés comme des pilotes de F1. C'est la folie furieuse partout où ils passent. Okay. Et là, au Canada, malheureusement, c'est un sport qu'on connaît peu. Donc, je me suis renseigné énormément. J'étais à l'école. Je me suis assis, j'ai écouté toutes les rediffusions que j'étais capable de trouver sur le web pour voir le style d'animateur, comment il travaille, les pauses de voix qu'il fait pour être capable d'être dans le rythme immédiatement, étant donné qu'on pouvait pas se pratiquer vraiment avant. Finalement, non seulement ça a bien été, mais j'ai rencontré, je crois, le meilleur animateur mondial de sport automobile, en l'occurrence Andrew Cardell, qui est l'animateur britannique, dans le fond, qui fait les retransmissions mondiales. C'était un mélange de profonde admiration puis de « botte-toi le derrière, fais ta job, mon gars ». Tout à fait. Mais tu le dis, tu travailles avec une équipe britannique. Est-ce qu'il y a certaines contraintes à devoir animer quelque chose qui est diffusé dans plus de 170 pays? Bien, c'est sûr que j'essaie d'avoir un anglais le plus international possible. Je fais attention à mon accent pour pas que ça soit difficile à entendre, au même titre que des fois, on a tendance à se laisser emporter pendant une run qui est hyper spectaculaire. Ça donne que le rallycross, c'est toujours spectaculaire. Mais oui. Fait que j'essaie des fois de ralentir mon débit volontairement pour pas... Pour que les gens puissent suivre. Mais l'équipe britannique est extraordinaire. Faut se le dire. Là. Dans le sport automobile mondial, souvent, les meilleurs au monde, c'est les Britanniques pour retransmettre du sport automobile. Ceux qui se rappellent des bonnes vieilles années de la F1, il y avait Murray Walker qui était un animateur british absolument extraordinaire. Ben, imaginez qu'Andrew, celui qui fait le rallycross, a le même delivery, la même fougue, la même passion pour le sport, mais c'est un pilote lui-même et c'est quelqu'un qui a une connaissance profonde technique des voitures. Donc, ça fait, comme on dit, c'est une bombe, ce gars-là, pour animer avec. Donc, ça enlève beaucoup de contraintes et les Britanniques travaillent dans le bonheur tout le temps. C'est un peu ce qu'on a vécu, nous autres, la fin de semaine dernière avec toute l'équipe d'animation qu'il y a eu au Grand Prix de Trois-Rivières. On travaillait avec... Comme on dit, l'ambiance était toujours bonne et pour les Britanniques, c'est très important. Donc, animer avec eux autres, c'est une chance là, extraordinaire. Et puis, Carl, tu l'as dit, tu animes plusieurs choses. Tu es aussi animateur de la Formula Drift Canada qui va être ici cette fin de semaine. C'est comment d'animer quelque chose au Grand Prix de Trois-Rivières qui maintenant a un nom assez exceptionnel au travers du monde? Ben, c'est certain que pour l'organisation de Formula Drift Canada, c'est une chance exceptionnelle. La drift, il y a une dizaine d'années au Canada, on ne savait pas du tout c'était quoi. C'est un sport qui a pris beaucoup d'ampleur avec les années. Et là, Formula Drift Canada a commencé l'année dernière avec une démo en invitant quelques pilotes américains et des pilotes canadiens qui s'étaient qualifiés pour l'événement. Mmh. Et là, cette année, c'est la première année officielle de cette organisation-là. Il y a donc deux organisations distinctes qui font de la drift au Canada avec grand succès dans les deux cas. Et là, au Grand Prix de Trois-Rivières, ça va être la plus belle vitrine, non seulement au Canada pour le sport, parce que c'est certain qu'au Grand Prix de Trois-Rivières, le nombre de spectateurs va dépasser largement ce que les autres pistes au Québec peuvent accueillir. Mais il y a aussi le fait que les Européens vont voir les pilotes canadiens évoluer. Et on a, dans le fond, 16 pilotes qui ont réussi à se qualifier pour l'événement. Et dont là-dessus, il y a un Américain, Miro Sharik aussi, qui est qualifié en cinquième place et qui vont pouvoir démontrer leur talent devant la foule et devant, pour une partie de la foule, beaucoup de néophytes au sport de la drift. Donc, en animant ça, on a une responsabilité, non seulement, oui, d'animer puis de mettre le party dans la place, mais d'expliquer aussi aux gens c'est quoi le sport. Et puis, Carl, dis-moi, tu l'as dit, tu t'apprêtes à animer quelque chose qui va être diffusé dans 170 pays, la connaissance du sport. Tu dois faire des recherches vraiment incroyables. Où sont rendues tes recherches présentement? Bien, là, on vient de terminer le week-end du Grand Prix de Trois-Rivières. Moi, j'étais, dans le fond, je m'étais préparé pour NASCAR parce que je faisais les pits pour RDS en NASCAR et je faisais Porsche Cup et j'avais quand même une course à faire et d'autres oui. travaux à faire pendant le week-end. Donc, j'avais vraiment concentré ma préparation là-dessus. Là, présentement, j'ai les deux pieds dedans pour la fin de semaine, puis pas à peu près. Fait que lundi, mardi, mercredi, je travaille uniquement là, sur le World Rallycross et la drift. Jeudi, je suis déjà à Trois-Rivières. Je demeure à Boucherville, en banlieue de Montréal. Oui. Donc, jeudi matin, j'arrive à Trois-Rivières. Je vais rencontrer les équipes, l'équipe de télédiffusion, mais aussi les équipes de course pour retisser des liens avec les pilotes, aller voir est-ce qu'il y a des changements au sein des équipes, parler avec les chefs mécanos, parce que quand on anime, puis ça, tu le sais très bien, une partie de l'animation, c'est de donner des informations que le public ne voit pas nécessairement à l'écran. Exactement. Donc, oui, la course est spectaculaire, oui, la course, c'est le fun à voir, mais d'avoir discuté une équipe, puis savoir que le container s'est pas rendu parce qu'il était pris aux douanes, qu'ils n'ont pas eu le temps de finir de préparer l'auto, qu'ils ont travaillé trois nuits pour réussir à être là, ça, c'est des affaires le fun à mettre comme contenu. Fait que si on se donne pas la peine de prendre de l'avance, d'être bien préparé, on ne peut pas donner ça au public. Et puis, Carl, tu as animé l'année dernière. J'imagine que tu as commencé à connaître le talent de certains pilotes qui va maintenant se prolonger cette fin de semaine. Pour les gens qui connaissent moins le rallycross, parce qu'on le sait ici au Québec, on ne connaît pas beaucoup ça. On a commencé à diffuser les manches du rallycross sur RDS l'année dernière à cause du Grand Prix de Trois-Rivières, justement. Qui est-ce que les gens doivent regarder et se dire « OK, c'est lui qu'il faut que je suive la fin de semaine, c'est lui qui va probablement nous impressionner. » Ne manquez pas, sous aucune considération, une run de Peter Solberg. Peter a gagné l'année passée le round québécois, a aussi gagné le championnat mondial. Cette année, il est une fois de plus en avance au championnat mondial. Il est à 159 points devant Christopherson, qui a 115 points. Donc, Solberg, ancien champion du monde de rallye, pilote avec un talent qui sort par les oreilles. Mais ce qui est drôle, c'est que normalement, un gars qui évolue en rallye est habitué d'être toujours seul sur piste. Les gars de rallye sont pas habitués de se frotter les miroirs. Mm-hmm. Et Solberg a une intelligence dans la circulation, une façon de positionner son véhicule, de dépasser. Il a une vision extraordinaire de la course. Et ça fonctionne très bien. Il est de toute beauté à voir aller. Le rallycross, les voitures sont souvent en complet dérapage parce que la piste, c'est un mélange, dans le fond, de pistes de gravel avec des sauts et de pistes asphaltées où est-ce qu'on va quand même à passablement haute vitesse. Et il y a une facilité à faire les transitions, une facilité quand il glisse d'un côté à repositionner sa voiture et oui, glisser parce que t'as pas le choix, mais l'angle de dérapage, il en met le moins possible pour être le plus efficace possible. Il m'a jeté à terre littéralement l'année passée. Carl, cette fin de semaine au Grand Prix de Trois-Rivières, on présente non seulement la manche européenne, le rallycross dont on parle présentement, mais il y a aussi la RX Lite. Dis-moi, c'est quoi la grande différence entre les deux séries? Bien, pour mettre ça simplement, les RX Lite, c'est les bébés rallycross. Donc, moins de puissance. Et les RX Lite, c'est monotype. Donc, c'est vraiment, sont faits par un seul constructeur. Tous les voitures de RX Lite sont identiques. Donc, la seule chose que le pilote et les équipes peuvent faire dans le cas des RX Lite, c'est de jouer un peu comme les séries monotypes qu'on a eues là, de Porsche Cup ou Micro Cup la semaine passée à Trois-Rivières. On va jouer sur les ajustements de suspension, les pressions de pneus, les alignements. Donc, c'est vraiment une série monotype. Donc, les pilotes, bien sûr, qui roulent en RX Lite, aspire à rouler dans la grosse catégorie supercar éventuellement. Les supercars, quant à eux, là, imaginez un petit mini hatchback, parce que quand même, ce sont tous des petites voitures comme ouais, ça, ouais, là, ouais. Un peu le look Ford Fiesta, etc. Ça va 0 à 100 km/h en 2 secondes, un petit peu moins que 2 secondes pour être précis. Ça a 600 chevaux là-dedans, 665 livres de torque, une boîte de vitesse là, qui est séquentielle, c'est littéralement des monstres, ces machines-là. Tu le dis, c'est des petites voitures. Tu performes toi-même dans la série Nissan Micra qu'on a pu voir au Grand Prix de Trois-Rivières. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais essayer de faire, quelque chose qui ressemble au rallycross? Dans tous mes plus grands fantasmes automobiles, je dirais que le rallycross est en avant de tout le reste. De tout le reste? Ah oui, oui, c'est... Quelle forme de course extraordinaire! Ce que j'aime du rallycross, c'est que c'est explosif. Pour se qualifier, c'est seulement 4 tours. Mm-hmm. Là-dessus, il y a un tour, il faut faire ce qu'on appelle un Joker Lap. Donc, tu décides quand tu le fais. Et le Joker Lap, c'est un détour, littéralement, qui ralentit la voiture passablement et qui te fait perdre du temps. Donc, sur tes 4 tours de qualification, tu choisis quand tu fais le Joker Lap. Donc, tu as beaucoup de stratégies qui se passent avec ton ce qu'on appelle un spotter, donc ton éclaireur, oui. Qui, lui, va regarder les autres pilotes sont où par rapport à toi. Et pour que tu ailles chercher le maximum de temps, qu'il ne te fasse pas retarder par quelqu'un qui est plus lent, tu vas décider de prendre le Joker Lap au moment opportun. Mais il faut que tu exploses littéralement, parce que 4 tours, c'est pas long. Fait que tu n'as pas de temps à perdre. Là. C'est vraiment maximum agressivité. Les dépassements, on met pas de gants blancs. Là. Les voitures vont se toucher. C'est certain que la plupart des pilotes sont extrêmement propres. Donc oui, ça se touche, mais on fait pas exprès pour sortir un compétiteur. Au contraire, mais c'est tellement spectaculaire. Et d'avoir une bête qui est aussi rapide, aussi féroce et qui peut mettre de travers puis glisser, moi personnellement, waouh, ça me parle. Alors, si on veut te voir cette fin de semaine, c'est certain que tu vas être sur place. Carlado, je te souhaite la meilleure des fins de semaine. On en a eu une grosse le week-end passé, mais là, tu vas en avoir encore une plus grosse. Je te souhaite d'avoir beaucoup de plaisir au Grand Prix de Trois-Rivières pour le rallycross. Que du bonheur, puis continue ton excellent travail, tant à la radio que directement en animation sur les pistes de course, Tania. Je l'ai dit au début, je te le redis, t'es l'avenir du sport auto. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était Carlado qui va animer toutes les manches cette fin de semaine du rallycross au Grand Prix de Trois-Rivières. Et nous, sans plus attendre, eh bien, on va aller écouter un petit peu de DJ champion, tiens, parce qu'il va être de passage à Trois-Rivières cette fin de semaine. Alors, on va aller écouter le morceau Half a Mile de DJ champion. Just lay your head in daddy's lap, you're bad girl. Vous êtes de retour au C'est fou 89.1 FM. Vous êtes de retour à C'est fou 89.1 FM. Je suis désolée, on recevait un appel en même temps et j'imagine que c'est Danny Bernier au téléphone avec nous présentement. C'est bien ça? Are you still there? Alors, malheureusement, on a perdu Danny Bernier qui était censé nous parler de Drift en direct. C'est fou, 89.1 FM. Malheureusement, on a perdu la ligne en essayant de le rejoindre un petit peu plus tôt. Mais je voulais parler de Drift parce qu'évidemment, ça va être présent au Grand Prix de Trois-Rivières. L'année dernière, on a eu une démonstration de drift au centre-ville de Trois-Rivières avec le champion du monde, Van Gittling Jr. Eh bien, il sera de retour, mais non seulement on va avoir des démonstrations au centre-ville, on va avoir aussi une compétition de drift cette année. Et je ne peux pas vraiment beaucoup vous en parler parce que malheureusement, je ne suis pas une très grande connaissante du monde de la drift. Par contre, c'est certain que ça donne toujours un excellent spectacle. C'est quelque chose que vous devez de voir. J'imagine que, on l'a vu l'année dernière au centre-ville, c'est un show de boucan, mais c'est aussi une discipline très différente de ce que l'on a vu au Grand Prix de Trois-Rivières cette fin de semaine. Ça va donner tout un spectacle. Non seulement il va y avoir de la drift, les deux séries de rallycross, comme on le disait, le rallycross européen et aussi le RX Lite qui est américain. Carl le disait un petit peu plus tôt, c'est plus petit, la puissance du moteur est moins grande. Alors, c'est vraiment des choses à voir, mais non seulement il va y avoir ça, il va y avoir aussi du côte à côte. Et j'aimerais vous parler de quoi faire au centre-ville cette fin de semaine. La semaine dernière, il y avait beaucoup d'activités. On a eu les feux Loto-Québec qui sont toujours un très grand spectacle. J'espère que si vous les avez vus, vous avez apprécié, vous avez aimé parce que c'était vraiment très beau. Alors, cette fin de semaine, eh bien, l'équipe Monster débarque en ville. Le centre-ville de Trois-Rivières va se transformer de couleur. Ça va devenir vert encore une fois. C'est sans oublier la grande roue qui revient à chaque année pour le Grand Prix de Trois-Rivières. Cette fin de semaine, c'est pour le deuxième Grand Prix qu'on va l'installer au centre-ville. Et il va y avoir vraiment beaucoup d'activités du côté du festival GP3R. Alors, il va y avoir non seulement DJ Cassimo qui sera présenté sur la scène Monster Energy. Il va y avoir le défilé de voitures de drift à partir de jeudi. Alors, jeudi soir à 17h30, si jamais vous n'avez rien à faire, c'est au centre-ville que vous devez d'être présent parce que là, vraiment, toutes les voitures de drift vont faire la descente du circuit au port portuaire. Par la suite, on va faire le tirage des positions de départ de la première qualification du rallycross. Il va y avoir des sessions d'autographes avec les pilotes. Il va y avoir un autre DJ par la suite, DJ Hilo. Il va y avoir aussi démonstration de drift. Il va y avoir Sin Salida. Et toujours, là, on le dit, les filles Monster, c'est toujours un must quand ça vient en ville. Alors, si jamais vous voulez prendre des photos avec les filles Monster, bien, elles vont être présentes, évidemment. Il va y avoir aussi du motocross, des démonstrations de motocross qui vont être présentés tout près du stand Monster. Et ça va être mon cher ami Mathieu Gervais qui fait une excellente animation, qui va vous présenter ses sauts, ma foi, quand même assez casse-cou, hein, disons-le. Je suis pas celle qui reste sautée d'une rampe assez impressionnante comme ceux-là. C'est assez spectaculaire, merci. Et ça doit être franchement... très blessant lorsqu'on tombe de ces motocross. J'ai vu quelques vidéos sur Internet. L'année dernière, ils étaient du côté de l'hippodrome de Trois-Rivières. On avait eu le droit à une petite démonstration. Alors, les gars, ils savent ce qu'ils font. C'est pas moi qui réfère ça. Hein? Alors, on va voir aussi Alcoholica. En fait, c'est un spectacle hommage à Metallica. Alors, vendredi, dès 22h30, au port portuaire de Trois-Rivières, si jamais vous êtes des amateurs de rock, c'est de ce côté-là que ça se passe. C'est, comme je le disais, c'est un hommage à Metallica. Alors, j'imagine qu'on va entendre les plus grands classiques du band. Et samedi, pour ce qui est du festival GP3R, on revient avec DJ Cassimo, DJ Hilo. Et je vous disais un petit peu plus tôt dans l'émission, il va y avoir DJ Champion samedi 8 août dès 22h au centre-ville de Trois-Rivières. Ça va être franchement tout un party. Cette fin de semaine, je crois que c'est vraiment la fin de semaine que le Grand Prix de Trois-Rivières voulait créer une ambiance tailgate, voulait créer une ambiance party. Ayons du fun. Ça va être très jeune aussi. Alors, ça va être excellent de voir ça. Et là, je vais essayer de pouvoir parler au téléphone avec Danny Bernier. Je ne sais pas si vous allez bien entendre. Danny, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends, mais tu veux qu'on se rappelle sur une ligne dure? Ou... Bien non, il n'y a pas de problème. On va pouvoir faire ça parce qu'on est en direct présentement. Danny, je voulais simplement parler un petit peu de drift. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent ce qu'est le monde de la drift. Tu en fais. Dis-moi, comment ça se passe lorsqu'on s'assoit dans une voiture de drift pour faire une compétition? À quoi ça ressemble une journée? Ben écoute, nous autres, la façon que ça fonctionne, c'est que c'est un sport qui est jugé à la base, hein. Fait que c'est différent de la course, c'est pas le premier arrivé qui gagne. Puis c'est souvent, ce qui arrive, c'est qu'on est tout le temps deux par deux, il y a tout le temps deux runs. Okay. Là où il y a une personne, le premier conducteur est là à l'avant, il y a quelqu'un qui le poursuit derrière, qui doit tenter d'imiter le premier pilote, dans le fond. Puis là, à tour de rôle, on fait ça. Mais avant tout ça, ben il y a des qualifications, puis souvent ce qu'on a, nous autres, c'est 35-40 pilotes, c'est tout le temps dans le but de faire le top 16, dans le but de, après ça, ben compétitionner le 16 contre le 1, le 15 contre le 2, le 14 contre le 3, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a comme deux étapes. Il y a des runs seuls, où on doit qualifier et faire des pointages. Là, t'as l'impact, t'as la vitesse, puis t'as l'angle utilisé. C'est ça que les juges évaluent. Et on est noté sur 100. Puis après ça, ben, le top 5 s'en vient pour ceux qui ont qualifié. Babu, un monde de drift, j'imagine, tu connais les pilotes maintenant, tu les vois de circuit en circuit. Dis-moi, qui est-ce qu'on doit garder un œil sur la fin de semaine qui pourrait peut-être donner un petit peu de fil à retordre aux champions mondiaux qui s'en viennent du côté de Trois-Rivières? Ah, écoute, un gars comme La Flamme, écoute, c'est le meneur au championnat de l'autre catégorie de drift qu'on a, le DMCC présentement. Il fait très bien du côté du FD Canada aussi. C'est un gars qui a un coup de terrain hallucinant, puis en plus, qui est constant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chance qu'on le voit bien performer. Un gars comme Patir également, qui a une nouvelle voiture depuis 2 ans, un Sion SRS, qui a bien des chevaux. Là, c'est-à-dire, on a changé le moteur cette année, puis ça paraît. Pat a déjà fait ses preuves aux États-Unis lors des événements de l'UFD il y a quelques années. Donc, c'en est un, ça, qui peut nous surprendre. Puis, non, sérieusement, mais la plupart des pilotes qui sont qualifiés sont capables de nous faire des surprises. Parce que je te dirais que la qualité de la drift au Québec, écoute, ça fait 11 ans là, que le DMCC existe. C'est hot, là. Sérieusement, on a de très, très bons pilotes. Les meilleurs pilotes canadiens parviennent du Québec. Mis à part Patrick, là, je te dirais, puis peut-être Dave Briggs, là, c'est des gars du Québec. On est bien fiers de ça. Et Babu, t'as pas malheureusement réussi à te qualifier pour la manche qui va être ici. Dis-moi, comment ça s'est passé, ces manches-là? Qu'est-ce qui déterminait qui va venir au Grand Prix de Trois-Rivières? Ben dans le fond, on est à peu près 40 pilotes, comme je te disais tantôt, à pouvoir qualifier pour le top 16 à chacun des rounds. Le premier round avait lieu du côté de Saint-Eustache. Je pense qu'on était vraiment comme 33-34. Moi, j'ai eu 61 points, pour te dire, là, puis il fallait 62 pour passer. Puis j'ai fini 17e lors du premier événement. Et je pense que j'ai fait la même chose du côté de Montmagny. Fait que ça fait en sorte que j'ai pas pu te qualifier. Mais ça monte parce que je veux pas, je me débrouille bien, ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas fait aussi, c'était mes premières compétitions depuis mon retour. Mm-hmm. Mais ça montre à quel point le sport va bien puis que la compétition est féroce, pour vrai. Puis surtout lors des événements F2, on sent qu'il y a une coche au-dessus, là. Mais tu vas être quand même présent au Grand Prix de Trois-Rivières parce que tu vas animer ça, là, ce show de drift-là. Ben écoute, j'ai la chance d'animer ça avec mon chum Carl Nadeau. On a animé en fin de semaine le GT3 ensemble, puis on a fait un petit bout de CTCC, puis avec toi en plus. Ma belle Tania, donc pour vrai, de réanimer ça, Steve Landry c'est sur place, c'est la voix de la drift au Canada, et ça, c'est là depuis, je te dirais, peut-être 5-6 ans, c'est quand on parle de drift au Canada, Steve Landry tout le temps dans le coin. Donc, moi, je vais probablement être plus dans les buis, puis plus avec les gars, je vais vraiment apporter ma voiture. Je sais qu'il y a bien des gens qui voulaient voir la nouvelle 350Z de Continental Tire Fast Wheels, puis écoute, je l'emmène en fin de semaine, puis je vais la réapporter en fin de semaine, puis c'est tellement le fun de voir à quel point les gens trippent sur la drift, les gens trippent sur le rallycross, tu sais, le rallycross qui s'en vient, parce qu'il faut pas oublier que c'est le rallycross qui est le main event dans cette semaine. Mais c'est un beau rajout. J'ai hâte de voir à quel point la drift, par exemple, va avoir attiré des spectateurs du côté de Trois-Rivières. Il faut dire aussi que c'est une autre formule, parce que nous autres, on est plus là pour remplir des trous aussi, tu sais. Fait qu'il faut comprendre que là-dedans, ben, les gars, on va tout le temps qu'ils poussent le gun à savoir si c'est le tour ou si c'est pas le tour. Fait que ça va être pas de fun à surveiller du côté de Trois-Rivières. Puis je pense que les gens vont en avoir pour leur argent. Il faut dire que le layout en bon français, là, où est-ce qu'on va tourner du côté de la drift, c'est qu'on parle, on part de la porte du Plessis. OK. Mais on la fait sur le circuit inversé. Ah, d'accord. Donc, on monte. C'est comme le départ et la porte du Plessis. On tourne à droite, on passe devant les VIP. Ça va ressembler à ça, le layout de la drift en fin de semaine. Deux de large, deux runs à chaque fois, dans le but de trouver qui sera le meilleur pilote du FD Canada. Et après ça, ben, on verra ce pilote-là affronter... des kings, là, du monde qui ont fait leur preuve dans le domaine. Oui, parce que non seulement, tu viens de le dire, non seulement il va y avoir les pilotes québécois et canadiens, mais ces pilotes-là vont quand même affronter d'autres pilotes comme Van Gittin Jr., c'est bien ça? Exact. Van Gittin qui sera sur place avec son Mustang l'année passée. Van Gittin avait fait un démo du côté de Montmagny. Puis c'était drôle parce que moi, je regardais ça du haut des Esperades, puis j'aimais bien ça voir ça, mais... de voir les yeux du monde qui était comme hey, c'est nouveau ça, maintenant ça fait 11 ans qu'on fait ça au Québec, tu sais. C'est juste qu'on commence à davantage s'intéresser à la drift parce que c'est le fun. La drift, oui, il y a un gagnant au bout, puis il en faut tout le temps dans la compétition, mais je vois ça vraiment comme du Bigfoot. C'est-à-dire que même si tu ne vois pas à la fin, tu arrives à la maison puis tu te rappelles de ce que tu as voulu te rappeler parce que c'est de l'action. De la drift, si tu arrives pour les pratiques, c'est aussi le fun que d'arriver pour la compétition. Ça reste deux voitures collées qui sont à 150 km/h puis qui donnent un spectacle. Donc, c'est pour ça que ce soit en compétition ou que ce soit en pratique, le spectacle est là puis tout le monde aime ça. Babu, rapidement, tu parlais de points. Dis-moi, ces points-là, c'est relié à quoi? Est-ce que c'est relié à la technique? C'est relié à l'esthétique du glissement de pneus? Dis-moi, c'est relié à quoi ces points-là? Ben, dans le fond, les points, les juges doivent juger. C'est pas les juges qui ont les trois points. Chacun d'entre eux ont quelque chose à surveiller. Tu as la vitesse, tu as l'angle de la voiture, plus que t'es de travers, plus que t'as de points. Tu as l'impact. L'impact, ça veut dire que si, je sais pas, tu fais quelque chose de vraiment malade, tu étais sur le bord, t'as arraché le coin de ton bumper, mais t'as pas parti ta drift, ben ils vont donner des points pour ça. Et également, ben, la vitesse est calculée, c'est sûr et certain qu'on est là avec le gun à l'entrée de l'initiation. Et on est en mesure d'évaluer des points selon ce que les gars sont habitués de faire. Une moyenne établie à la base par les juges qui sont là. Alors, fait qu'en gros, c'est ça. Fait qu'on s'attend à un Moses de gros show de boucan, c'est ça? Ça va être un gros show de boucan, puis espérons que Dame Natsu soit là. Puis là, sérieusement, les gens qui nous écoutent, là, arrêtez de vous fier à Colette, c'est à TVA, là, pour vrai, là, puis arrêtez de vous fier à tout le monde qui dit « Ah, il va mouiller en fin de semaine! » Quand même qu'il mouille, tu prends ton parapluie, puis tu t'en viens, OK? Et arrêtez de sérieusement, ça me fait capoter les gens qui ne viennent pas à des événements parce que ah, ça a l'air, parce que il n'y a pas mouillé, mais ça a passé proche. Regardez, là, on a eu un spectacle de fou en fin de semaine, puis on attendait de la pluie, puis ceux qui n'étaient pas là s'en mordent les doigts présentement, Tania, hein, sérieusement. Ouais, les gens qui sont pas venus parce que ah, ben, ils étaient supposés de mouiller, ben, sérieusement, là, vous avez manqué quelque chose, là. Prochain coup, sortez le parapluie, les amis. Babu, merci beaucoup et on va se voir cette fin de semaine. Si jamais, mesdames et messieurs, vous voulez voir Babu, eh bien, il va être du côté de Trois-Rivières. Bab, merci beaucoup de nous avoir rappelé. Ça me fait plaisir, puis venez me voir, il n'y a aucun problème, c'est tout le temps le fun de Joseph Boudot. Alors, comme le dit Danny Babu Bernier, mettez votre parapluie de côté ou arrêtez d'écouter la météo, mais venez au Grand Prix de Trois-Rivières cette fin de semaine parce que ça va valoir la peine. On vient d'en parler, ça va être tout un show de boucan, ça va être tout un spectacle. Vous voulez pas manquer ça. Et évidemment, eh bien, je me dois de quand même vous dire un petit désolé pour tous les pépins qui sont arrivés. On fait de la radio en direct, alors parfois, on peut pas faire de coupage au montage. Mais quand même, j'ai été très heureuse d'être avec vous. J'espère que vous avez apprécié le 1 heure spécial deuxième week-end du Grand Prix de Trois-Rivières. Je vous le disais, le festival, le centre-ville de Trois-Rivières va devenir un festival Grand Prix de Trois-Rivières. Le circuit Gilles Villeneuve Gilles Villeneuve, le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières va devenir incroyable. Vous voulez être là si jamais vous voulez voir de la course automobile de façon totalement différente de ce que l'on connaît en temps habituel ici au Québec. Et c'est déjà tout pour ce qui était de l'émission En piste avec Tania Baudin. Nous allons avoir en direct du Grand Prix de Trois-Rivières encore cette fin de semaine la radiodiffusion de tout ce qui va se passer sur le circuit. Alors, si jamais vous ne pouvez pas être des nôtres directement en place, eh bien, écoutez-nous au 89.1 FM. On va avoir entrevue avec pilote encore une fois. On va entendre les gars comme Carl Nadeau, Danny Babu-Bernier. On va pouvoir écouter l'analyse de tout ce qui va se passer sur le circuit. Alors, si jamais, comme je le disais, vous ne pouvez pas venir directement à Trois-Rivières, c'est à la radio, c'est fou que ça se passe. Et mesdames et messieurs, c'est déjà tout. Nous, on se dit à lundi prochain. Fou d'exotisme. C'est fou. 89.1. Salut, moi c'est Alex. T'aimes le métal progressif, mais t'as pas peur de plonger dans des styles plus obscurs?